Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'île Maurice, la Isla Mauricio. Non pas que j'y sois allée, mais tout simplement parce qu'une amie y est allée et qu'elle m'a raconté son voyage qui lui a beaucoup plu dans un pays enchanteur, et j'ai pensé que vous raconter ce qu'elle m'avait raconté pouvait peut-être vous intéresser et peut-être aussi vous faire plaisir. Así que hoy vamos a hablar de la Isla Mauricio. L'île Maurice, elle se situe près de l'île de la Réunion. C'est une île qui appartient à un petit archipel qui s'appelle l'archipel des Mascareignes. Cette île, elle n'est pas très grande. Elle mesure, en gros, 65 km sur 45 km. C'est-à-dire, c'est une toute petite île qui est une république indépendante depuis 1992. Elle avait demandé d'abord son indépendance en 68 et puis en 92, elle est devenue république. Sa capitale, elle s'appelle Port-Louis. Alors, vous le voyez, c'est donc une île qui a de très fortes réminiscences françaises. Cette île, comment se présente-t-elle? Eh bien, il semblerait qu'elle soit moins accidentée que la Réunion, bien qu'il s'agisse également d'une île volcanique, mais dont les volcans sont endormis. Le lieu dit, le trou au cerf, est en fait un cratère de volcan qui est endormi. Et puis, comme relief le plus remarquable, on peut parler du piton de la rive noire qui se situe à 828 mètres, m'a-t-on dit. C'est-à-dire que c'est une petite île, pas très élevée, sans volcan, quelque chose de très simple et de très joli. Les cultures, eh bien, la culture la plus importante, c'est la canne à sucre qui donne le rhum, et puis aussi les cultures de thé. La coutume aussi, c'est la culture du houblon pour la fabrication de la bière, cette fameuse bière phénix qui est si appréciée dans l'île. En ce qui concerne les langues, c'est une situation un petit peu particulière, puisque à l'île Maurice, on parle anglais, on parle français, on parle créole et on parle une langue autochtone qui s'appelle le mauricien. Et puis, depuis un certain nombre d'années, l'île ayant accueilli d'autres populations, on parle aussi hindi, on parle aussi mandarin et on trouve aussi des personnes qui parlent tamoul, une vraie mosaïque de langues. Du point de vue de l'histoire, l'île Maurice a d'abord été conquise par les Hollandais et elle porte le nom d'ailleurs du prince Maurice de Nassau qui a donc donné son nom à l'île. Et puis, les Hollandais délaissèrent le lieu et ce sont les Français qui reprirent l'île derrière eux avec un personnage qui s'appelle de la Bourdonnais, qu'on connaît bien dans Paris, qui a une rue, une place même, je crois. Et ce sont les Français qui vont créer la ville de Port-Louis, qui sera donc la capitale. Ces vagues successives de colons, elles seront dues à la nécessité de la culture des plantations de canne à sucre. C'est pourquoi on aura, après les Anglais, eh bien des Français, ensuite des colons anglais, qui feront à leur tour venir des esclaves noirs, et puis ensuite des Chinois, des Indiens. Et pour finir, on va finir par avoir un pays multiculturel à forte population indienne ces dernières décennies. L'île Maurice, en français on l'appelle l'île Maurice, bien que certaines personnes s'entêtent à l'appeler île Maurice à l'anglaise. Or, puisque l'île a un nom en français, eh bien, laissons-le lui. Donc, sur cette île, on va trouver une population très faible de Mauriciens blancs d'origine, à peine 2%, et puis des créoles, 29%, à majorité catholique, et puis tout le reste de la population qui est un mélange multiforme et multiculturel qui fait monter le nombre d'habitants à 1 200 000. Que vous dire de curieux sur cette île? Eh bien, bien des choses à regarder que je vais vous dire ensuite, mais je ne voudrais pas terminer ce premier moment de notre émission sans vous parler du dodo. qui est une sorte de pigeon qui a disparu de l'île et qui aurait inspiré le roman de Alice au Pays des Merveilles. C'est un pigeon, une grosse bête, un gros pigeon, un petit peu lourd, un peu maladroit, qui avait été, dit-on, complètement détruit par les Hollandais qui le braconnaient pour le manger. Et il semblerait que, la légende dit, que les rats des bateaux des Hollandais débarqués sur l'île auraient fini de parachever l'espèce, puisqu'ils mangeaient avec délice les œufs du dodo. Une triste histoire que je soumets à votre critère. On ne peut pas toujours écouter toutes les légendes qu'on nous raconte, bien entendu. Mes chers amis, nous allons écouter une petite chanson et puis ensuite je vais vous faire promener dans l'île à la suite de mon ami en essayant de vous faire découvrir les beautés de l'île. À tout de suite. Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. Je vois des roses dans un jardin, là où vivaient des arbres maintenant. La ville est là, et la maison, les fleurs que j'aimais tant n'existent plus. Ils savaient rire, tous mes amis. Ils savaient si bien partager mes jeux. Mais tout doit finir pourtant dans la vie. Et j'ai dû partir les larmes aux yeux. Mes amis me demandaient pourquoi pleurer. Découvrir le monde vaut mieux que rester. Tu trouveras toutes les choses ici, on ne voit pas. Toute une ville qui s'endort la nuit dans la lumière. Quand j'ai quitté ce coin de mon enfance, je savais déjà que j'y laissais mon cœur. Tous mes amis enviez ma chance, mais moi je pense encore à leur bonheur, à l'insouciance qui les faisait rire. Et il me semble que je m'entends leur dire, je reviendrai un jour, un beau matin, parmi vos rires. Eh bien, mes chers amis, qui dit île Maurice, dit plage. Quand on vous parle d'une île qui se trouve au cœur d'un archipel, donc l'archipel des Mascareignes, en plein océan Indien, on ne peut penser qu'à ces territoires grandioses qui offrent aux visiteurs un séjour inégalable. L'île Maurice, ce sont 350 km de côte, donc de quoi satisfaire tout le monde. La plupart des plages sont publiques, même si certaines appartiennent à des particuliers ou à des hôtels. Et vous n'aurez que l'embarras du choix, toutes avec des noms plus jolis les uns que les autres. Écoutez donc, la plage de Bellemare, la plage de Trou aux Biches, la plage de Montchoisy ou la plage de Flic en Flac. Toutes ces plages, elles attirent les touristes bien sûr, mais aussi les Mauriciens qui profitent de l'ombre des filaos, qui sont des arbres à feuillage très léger, et qui viennent pique-niquer à l'ombre pour le samedi, le dimanche, les après-midi. La plage est donc un lieu de vie, même pour les habitants de l'île. Dans l'île aux cerfs, qui est une petite île, et dans un îlot, l'îlot Gabriel, eh bien là, vous allez pouvoir pratiquer, si vous le souhaitez, la plongée avec masque et tuba. Il y a de très très belles plages isolées, j'ai vu des photos magnifiques, avec des vues sur les îles Rondes et sur la Plate, et puis un endroit qui est pourtant très très joli, mais qui a un nom très très difficile, un peu difficile à porter, le Cap Malheureux, qui est reconnaissable à son église avec sa toiture rouge. Il semblerait que pour la plage, eh bien, il faille prévoir des sandalettes parce que le sable est très blanc, mais il est mélangé à de minuscules petits morceaux, à minuscules morceaux de coraux qui rendent le sable un petit peu blessant pour les pieds. Alors donc, partez avec vos sandalettes et puis surtout, n'oubliez pas votre crème solaire. Je ne pourrais pas vous parler de l'île Maurice sans vous parler d'une visite que vous devriez faire dans une maison d'autrefois qui a été la propriété de la famille Le Clésio. Os acordáis de la familia Le Clésio, ¿verdad? De Le Clésio, nuestro último premio Nobel de literatura. Jean-Marie Gustave Le Clésio était donc né à l'île Maurice et sa famille était originaire de cet endroit et la maison dans laquelle ils ont toujours vécu, la maison de famille, est conservée. On l'appelle la maison Eureka et il semblerait qu'on puisse également y aller pour prendre des rafraîchissements, pour s'y restaurer. C'est devenu un lieu public, un restaurant, mais on a le plaisir d'y trouver les pièces telles qu'elles étaient, avec les portraits des aïeux dans les chambres, le salon de musique, les salles de bain avec une baignoire en marbre, une merveille. Et si vous n'aimez pas les plages spécialement, si vous n'aimez pas la baignade, eh bien vous pouvez encore faire deux choses différentes. Vous pouvez suivre les dauphins, visiter et nager avec les dauphins dans la baie de Tamarin. Vous pouvez prendre une goélette qui vous amènera sur le lieu de vie des dauphins et vous pourrez les admirer. Et aussi faire de magnifiques promenades à l'intérieur des terres, en particulier le jardin des pamplemousses, qui est mondialement connu pour ses nénuphars géants qui jonchent le cours d'eau. C'est à l'île Maurice aussi que vous pourrez voir de très belles plantations donc de canne à sucre traversées par des routes qui sont bordées de flamboyants, ces magnifiques oiseaux qui ressemblent à des grues, mais qui sont de couleur rouge, qui sont magnifiques. Et puis, si vous êtes aventureux, vous allez au cœur de l'île, dans les endroits les plus élevés, dans ce que les Mauriciens appellent la montagne, vous pensez 800 mètres, et là, vous pourrez vous aventurer dans la forêt grâce à des ponts suspendus qui sont aménagés et qui vous permettent d'arriver aux merveilles à un élevage de crocodiles. Un élevage de crocodiles, environ 2000 crocodiles, qui vous permet de voir ces animaux qui sont donc élevés là pour ensuite en tirer la peau, bien sûr, puisque le crocodile sauvage est protégé, comme tous les animaux, des animaux sauvages de la planète, bien entendu. Et puis là, vous pourrez voir aussi des tortues géantes en liberté. Je crois que le voyage doit être magnifique. Vous trouverez mille manières d'y aller, de Paris, de Londres, bref, c'est pas très difficile maintenant d'aller à l'île Maurice. Passer un excellent, une excellente semaine de repos auprès de populations très très accueillantes, semble-t-il, qui font de la danse leur distraction favorite et qui vous communiquent cette joie de vivre qui les caractérise. Eh bien, moi j'ai été enchantée par le récit de ce voyage à l'île Maurice et j'espère que vous aurez, après m'avoir écouté, envie peut-être d'y aller vous aussi. Allez, je vous quitte pour aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.